Parce que toi, tu veux penser à quelque chose, tu vas avoir une mémoire, tu peux l'avoir, mais eux autres, ils peuvent t'enlever la mémoire de sorte que tu peux pas avoir la mémoire, même de la mémoire. Fait que quand tu n'as plus la mémoire, de même la mémoire, tu n'as plus rien. C'est le vœu qu'il y a une expérience qui s'enregistre dans un corps. S'enregistrer. Il enlève. Bon, mais astralement, tu peux pas y goûter. Autrement dit, spirituellement, tu peux pas y goûter. Sans ça, tu pourras jamais développer la haine qui t'amène à vivre la volonté et l'intelligence. Tu deviendras des toutous d'eux autres. Tu deviendras encore des grands êtres spirituels puis des maîtres spirituels, et ainsi de suite. J'ai compris, oui, des gens, des grands êtres spirituels qui ont eu des expériences mystiques, qui ont tombé dans les pommes. Je comprends, qui ont tombé dans les pommes. C'est normal. Mais il est temps que l'homme arrête de tomber dans les pommes. Des fois, je disais, t'as besoin une petite preuve, pas une grosse, une petite. Je disais, non. Je disais, pourquoi? Il disait non. Je disais, t'as une tête de cochon? Il disait oui. Il disait, les lois sont parfaites. C'est vrai qu'elles sont parfaites, les maudites lois. Quand tu fais quelque chose, quand il se manifeste à toi pour une raison ou une autre, c'est pas parce que tu l'as demandé. Quand tu le demandes, c'est parce que tu accordes une certaine. Si tu le demandes, c'est parce que c'est pour te soulager de ta souffrance. Il tient au bout du mur. Il taillit ce genre là. Hein? Il taillit ce genre là. Il taillit? Non. Je veux dire, quand tu souffres, là, c'est autres, ils ont de la haine. La haine, c'est une expérience de l'homme. Les autres, ils sont intelligents. Seulement, leur intelligence est tellement parfaite que ça n'est écœurant. Fait que nous autres, automatiquement, on en fait expérience. Le produit de ça, à cause de la volonté et de l'intelligence, mais ça se manifeste la haine ici, parce qu'on détruit les conditions qui nous empêchent d'avoir accès à cette intelligence-là. Sans ça, on n'est plus dans nos sentiments, puis on ne peut pas l'avoir. C'est plus ça, les sentiments. Vous dites qu'il faut souffrir pour transmettre. Je ne dis pas qu'il faut souffrir pour transmettre. Je dis que l'homme qui transmet souffrira. Moi, je trouve pas tout. Je suis bien content. Je suis content que vous êtes bien. Mais quelque part dans votre vie, il y a eu de la souffrance. Il faut qu'il y ait de la souffrance. Avant ou après. Mais il faut qu'il y en ait. La transmutation, ça ne commence pas avec le séminaire. Ça peut commencer bien avant le séminaire. Il faut croire que vous avez été avant parce que ça a été la trace à un moment donné. Mais depuis ce temps-là, il y en a qui souffrent avant, mais il y en a qui souffrent après. Mais il y a de la souffrance. De toute façon, elle est vite ou pas vite. Tu dis, bon, quand on est dans la souffrance, tu ne vas pas dire grand-chose. C'est pas une fois là. C'est d'en sortir. La vie n'est pas vite dans la souffrance. C'est toujours dans la souffrance. C'est vrai, c'est vrai. Le point, c'est d'en sortir. Tu as 20 000 dans une journée, mais en faire 20 dans 4 jours. Tu vas même sacrer, ça. Mais là, pareil. Au bout du bois, pareil. C'est pas important, ça. Les comparaisons, là, c'est le jeu des esprits avec les autres esprits. Comme si on se promène de l'esprit à l'autre. On va le voir, il est gros, bon, c'est tout. Là, pour mesurer. C'est encore de l'astral. Si on parle du jeu de l'esprit, c'est des jeux d'esprit. Tant qu'il y a des jeux d'esprit, il n'y a pas d'intelligence dans l'air. Je vais vous parler parce que moi, j'ai jamais fait de spiritualité de ma vie. Ça arrive du temps. Pas dans la tête de l'autre, pas dans la tête de l'autre, c'est différent de toi. Peut-être pas, mais si les gens sont morts, c'est des gens qui ont envie, c'est différent. Qu'est-ce que... En tout cas, on est du fun. Ce mot est la créature exacte. Un mot est toujours la créature ou la création de l'énergie qui le véhicule, mais l'énergie qui le véhicule n'est pas toujours pure parce qu'elle est astralisée. Alors, automatiquement, le mot n'a pas le sens profond de l'intelligence. Oui, mais elle est colorée. Et automatiquement, tu n'as pas accès à l'intelligence qui est le produit du mouvement de l'énergie dans ton centre mental. L'énergie est là, mais l'énergie est là, mais elle est colorée. Puis elle ne peut pas remplir la fonction que tu voudrais qu'elle remplisse. Fait que tu l'as pas le mot. Si Hélène a pu se griller le portagrappe. Ah, intéressant. Je suis allée taper dans ce travail sur le terre qui est dans le mur parce que j'ai eu plein de révélations de mon chat qui. De réponse ici, vous avez comme réponse. Peut-être est-tu vide? Donc, il y a de la pensée? Hein? Ben oui, mais il y a de la pensée ou est vide? Est-tu vide ou il y a de la pensée? Ça, c'est pas de pensée, je suis en train de vide. Ça dépend qu'il y a. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre vie? Le doute. Le doute. Le doute de quoi? vous-même. Puis votre doute, il y a quelle apparence? Qu'est-ce qui crée le doute en vous? C'est extraordinaire parce que les gens qui sont bons, les gens évolués, ils ont des problèmes. Les gens qui sont réellement négatifs, ils n'ont pas de problème. Ça marche. Ils tuent, puis ils détruisent. Ah ouais, donc, les Kadhafi. Ils n'ont pas de doute, dedans. Les gens, là, qui sont prêts à faire un pas, sont compris en l'air et en glace. En l'air et l'eau. Ils ne sont pas dans la glace. Ça vient tout de notre éducation. Notre éducation. On ne dit pas clairement, les gens ont dit pas clairement, les gens ont dit pas clairement, je regarde, bon, ça, ça va faire un bout de statut, puis ça change tout le temps. Donc là, c'est ça, tant que tu parles, t'es super, tu décroches. Ça change. C'est bon. Peut-être qu'on s'est fait dire que si on ne se poserait pas de questions, on ne pourrait pas aller juste ce qu'on aurait fait quand on avait pris ce poison, quand on n'existait pas, et c'est vraiment grave. C'est comme si on s'était fait dire, si tu ne penses pas deux fois avant de vivre, tu vas vivre comme que c'est. Tout revient au fait que vous n'êtes pas conscient de votre mental supérieur. Vous n'êtes aucunement conscient de votre mental. Vous êtes inconscient de votre mental inférieur. Vous ne réalisez pas que votre mental supérieur est actif derrière votre mental inférieur. Seulement, vous allez toujours vers le mental inférieur. Tout le temps vers le mental inférieur. Fait qu'éventuellement, le mental supérieur, il s'atrophie. C'est quand même parce que, moi, je sais que, on est orgueilleux. Hein? Quand on est orgueilleux, on est suffisant. Moi, je suis orgueilleuse. Je suis même orgueilleuse. Et l'orgueil, elle a la possibilité de nous caler. On ne sent jamais autant de chien là-dessus, c'est ça qu'on est orgueilleux. Oui, mais d'un autre côté, on sent. Il y a deux mouvements dans l'orgueil. Il y a un mouvement dans l'orgueil qui nous descend, et il y a un mouvement dans l'orgueil qui nous monte. Oui, il est plus mondial à l'idée. D'accord, ça s'ajuste avec le temps. Mais le fait que ça nous monte, c'est déjà quelque chose. Parce que l'orgueil, dans le fond, c'est une vibration dans le mental. Hein? Oui. L'orgueil devient un défaut quand l'homme se prend pour un autre. Quand l'homme ne se prend pas pour un autre, l'orgueil devient de la fierté. Oui. Il y a peur de se prendre pour un autre. Quand on est nous autres, on a tellement peur de se prendre pour un autre. On se prend pas pour un autre. On ne s'assure pas, on l'affirme pas ce qu'on est. On n'a pas. Parce qu'on n'a pas de point de référence. Puis on manque de distance.

cette fierté dont tu parlais, c'est... Oui, tu penses que j'allais pas aimer ça, être psychiatre. J'ai eu mon papier sur lui, j'ai été un mot du bon psychiatre. Non, the hard way. Mais tu vas t'en rappeler un couple d'autres mots de temps, parce que... Il y a un groupe d'avoir des goûts, il y a une autre, parce que... Bon, moi, éventuellement, c'est devenu conscient. La thérapie dont on se parlait, c'est une sorte de certaine caractère qui aide l'individu jusqu'à un certain point. Normal, la fierté. Parce qu'à un moment donné, tu parlais que tu ne fallais pas avoir le cœur. J'ai jamais dit ça. Ben, je ne me rappelle plus de comment ça dit ça, mais ça ressemblait à ça. Je n'ai pas de mémoire, mais je m'en rappelle. Ramo, si tu n'es pas capable de me citer correctement, c'est le mot. Ben, en tout cas, tu serais dans la mémoire. C'est ça. Ah, c'est une bonne mémoire. Parce que tout ça, t'es étonnant, ce rapport. T'es pas orgueilleux. T'es tenté, t'es c'est correct. Mais si ma ça nous porte de... Tu veux puis tu veux pas, tu Hercule avant. Mais ils disent que tu rentres dans la bonne direction. Est-ce que c'est la rage, hein? La crainte de ses pensées et la haine de ses pensées? Une nuance, en fait. C'est deux plans différents. L'Inde de ses pensées, c'est l'Inde de pensée, la souffrance. Ça connaît. La crainte de ses pensées. La crainte de ses pensées, c'est l'inquiétude d'avancer dans des domaines qui peuvent troubler notre esprit. C'est deux plans différents. Ça tient de beaucoup de règles qu'on pose dans le travail. C'est extraordinaire le monde de la pensée quand c'est créatif. Moi, j'aimerais ça, là. J'aimerais ça. Rencontrer le monde. Les gens, tout ça. T'en prends un, tu te dis, t'en prends un autre. Ça fait combien de temps que tu penses à la dernière fois? Ça serait une initiation. Moi, j'ai débloqué, j'étais à 5 ans. Pour l'amener à un point là où elle pouvait se suffire à elle-même. Elle ne la connaissait pas, Gisèle. Non. Y en a-t-il qu'elle connaît, Gisèle? Non. C'est une belle fille. C'est une personne extraordinaire. S'il n'y a pas d'elle, là, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Extraordinaire comme personne. On ne sait pas, mais on le sait. Oh, ouais, c'est ça. On le sait. Ouais. On n'est pas en train de l'exprimer, mais on le sait. Elle n'a aucune vanité, elle n'a aucun orgueil. Extraordinaire. Si une personne qui aime le monde, c'est... Comprends, pour répondre au téléphone à 4h du matin. Tu as vieilli, tu as le jeune. En tout cas, l'affaire de la haine, là... Essayez de regarder ça, puis c'est bien n'importe quoi. Mais dans le cadre, la haine consciente, ça a des répercussions dans l'homme extraordinaire.